الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، déjà je m'excuse pour le retard et également pour le ders de vendredi. Il y a eu des imprévus, on était en route, on venait, mais finalement on sera arrivé trop tard, donc ça a dû être annulé. Donc par gain de temps, on va directement rentrer dans les hadiths. La dernière fois, on a pris mawaqit as-salat, les horaires de la salat. Taïeb, pas même. Donc maintenant, cette salat, quand on a pris ses horaires, on sait que l'heure de la salat, c'est un short min shurutiha, une condition. Parmi ces conditions, c'est-à-dire que il faut que le temps soit rentré pour faire la salat. Et là, on parle de la maktouba, celle qui est obligatoire. Ce temps, comment est-ce qu'on sait qu'il a commencé? En dehors de celui qui voit les alamat, bien sûr. Mais tout le monde ne pourra pas les voir. Et tout le monde n'aura pas la capacité, le ilm, pour savoir. Donc il faut quelque chose pour informer les gens de façon générale. Donc qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? L'adhan. Adhawa, al-adhan. D'accord? Donc là, on va prendre المساله التي تتعلق بالاذان. الاذان لغه هو معنى الاعلان. الاذان سي ان انونس. ان اذان كما في القران الله يدي اذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر. كالله عز وجل انونس لو جور دو حج. طيب، que Allah et son messager sont innocents des mouchriquins. Donc là, c'est une déclaration, une annonce. Et shar'an, c'est al-ikhbar 'an dukhul al-waqt. L'adhan, c'est un appel qui informe de l'entrée du temps dans la salat. Donc pour chaque salat, il y a un adhan à faire lorsque le temps il débute. Pour que les gens, de façon générale, quand les gens ils sont occupés, ils travaillent, ils font ce qu'ils ont à faire, tout le monde n'est pas, Taïeb n'est pas forcément à l'affût, à regarder le... Donc, min fadl hadha ad-din, annahu kad ju'ila man yakum bi hadha al-wajib, wa wajib kifa'i, annahu yuraqib al-waqt, wa yukhbir an-nas bi dukhul al-waqt. Il y a des gens, ils s'occupent de cela. Un muazzin, c'est ça son travail, c'est de regarder l'heure, d'informer l'heure, de faire la zan pour que les gens soient au courant que la salat, l'heure, il est rentré. Et l'adhan, c'est min sha'air l'islam. C'est parmi les emblèmes de l'islam. D'ailleurs, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il était rapporté que lorsqu'il partait en razwa, bataille contre un pays, une contrée, il attendait le fajr avant d'attaquer. Il attendait pour voir s'il entendait l'adhan du fajr ou pas. S'il entendait l'adhan, c'est-à-dire que c'était des muslimouns, il n'attaquait pas. Si jamais il n'entendait pas l'adhan, il attaquait. Donc c'est un signe important. طيب فيقول في الحديث الثلاثين 30e حديث qui est le 10e de ce chapitre. عن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال أشهد أن محمد رسول الله أنا محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله قال حي على الصلاة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة رواه مسلم. Et donc c'est un hadith dans lequel le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il cite les termes de l'adhan et informe qu'il faut le répéter. D'accord? Dans un hadith, il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il disait Sami ahadakum al-muazzin falyakul misl ma yakul al-muazzin. Si l'un d'entre vous entend l'adhan, qu'il répète ce que dit le muazzin, à part à un endroit. On appelle ça les hayalatayn. Lorsqu'on dit hayal al-salah, hayal al-falah. Donc dans ce hadith, Omar dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, si le muazzin dit Allahu Akbar, il le dit deux fois, Allahu Akbar, Allahu Akbar, et après il le redit encore deux fois, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Donc à ce moment-là, on répète. Après il dit, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah. Deux fois. Et là, à ce moment, on répète comme lui. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Deux fois. Et nous, on répète. Après, il dit Hayal al-Salah. Hayal al-Salah. Et nous, à ce moment-là, on dit quoi? Comme dans le hadith, on dit La hawla wa la quwwata illa billah. On ne dit pas Hayal al-Salah. On dit La hawla wa la quwwata illa billah. Et pareil, quand il dit Hayal al-Falah, Hayal al-Falah, pareil, on dit La hawla wa la quwwata illa billah. Après, il redit Allahu Akbar, Allahu Akbar. On répète jusqu'à la fin de l'adhan. Donc, il dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, celui qui dit tout cela dans son, à cœur présent, d'accord, c'est-à-dire avec sincérité et ce qui s'ensuit, qu'il rentrera au Jannah. Rapporté par Muslim. En premier lieu, l'adhan, il a débuté avant que ces termes ne viennent. Dans un hadith d'Ibn Omar, que lorsque les Sahaba sont arrivés à Medina, la salat était légiférée. Elle était légiférée les 5, un petit peu avant la Hijra. Mais il n'y avait pas d'azan. Un Mecca ne pouvait pas faire l'azan parce que c'était un pays qui était sous la domination des Quraysh et des Mushrikin. À l'époque, c'était Moussadrafoun. Les musulmans étaient en faiblesse à Mecca. Ils ne pouvaient pas faire apparaître leur religion comme ça. Et donc cela est venu à Medina, après la Hijra. Et que les Sahaba s'étaient réunis pour savoir, justement, la salat, comment on informait les gens. Et de là, certains ont fait des suggestions. Certains ont dit, si on prenait une cloche, certains ont dit ça, c'est comme les Nassara. Et d'autres ont dit, si après on prenait un corps, c'est, vous savez, comme une trompette. Là. Ils disent, ça, c'est comme les Yahoud. Et là, Omar, il a dit, et si on prenait la voix humaine? Donc là, c'est Omar, il était mouafok, une fois de plus. D'accord? Omar, il était mouafok dans plusieurs situations qu'il a, on va dire, devancé la révélation. Et de là, il a dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, à Bilal, Qumi ya Bilal fa azin. Il a dit à Bilal, lève-toi et fais l'azan. À ce moment-là, il n'y avait pas encore les termes. Je ne sais pas ce qu'il disait à ce moment-là, mais il n'y avait pas encore les termes. Puis, dans un hadith de Abdullah ibn Zayd, si je ne me trompe pas, il a dit qu'il a fait un rêve. Il est parti voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam en disant avoir fait un rêve dans lequel il a entendu telle et telle chose, où les termes de l'azan lui ont été révélés. Wa alayka salam, yakallah, marhaba. Où les termes de l'azan lui ont été révélés. Et de là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a approuvé. D'accord ? Il a approuvé. C'est-à-dire que les rêves à l'époque du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, de son vivant, même s'il venait d'autres personnes, s'il l'affirmait, ça pouvait devenir une source de révélation. Après sa mort, il n'y a plus. Quelqu'un ne va pas dire, j'ai vu un rêve, telle et telle chose, voilà, je fais une ibadah, c'est ce que j'ai vu. Non. Ta shiria, elle est finie. Et c'est cela que les termes de l'azan, tel qu'on le connaît aujourd'hui, sont venus. Donc en premier, ça a été azan, sans terme connu, mais c'est Bilal qui le faisait. Puis, les termes sont arrivés, ont été révélés, et là, ils sont venus légiférer, et c'est ce terme-là qu'on a dans l'azan. Qu'on vient de citer là dans le hadith. Donc le muazzin, c'est celui qui fait l'azan. On l'appelle muazzin. C'est l'ism fa'il de azana yu'azzinu. C'est le verbe pour dire le faire, de faire l'appel. Donc on dit quoi? Au début, on dit Allahu Akbar, Allahu Akbar. Taïeb. Ma wa taqdir Allah Akbar min kulli shay, que Allah est plus grand que toute chose. Parce que souvent les gens disent Allahu Akbar, ça veut dire Allah est le plus grand. On dit la phrase, c'est pas ça qu'elle veut dire. Bien que c'est vrai, Allah c'est le plus grand. D'accord? Mais en arabe, ça aurait été Allah huwa al-Akbar. Pour dire Allah c'est le plus grand, on aurait dû dire Allah huwa al-Akbar. Mais là la phrase c'est Allahu Akbar. Donc c'est Allah est plus grand. Et il y a forcément, là c'est un ism tafdil. C'est un isme de superlatif, comparatif, donc il faut comparer à quelque chose. Plus grand que quoi? Plus grand que tout. D'accord? Plus grand que tout. Cette fameuse formule qui fait tant de polémiques, qui fait tant peur aux koufars, s'ils savaient, c'est la formule par laquelle on commence l'azan. Et par laquelle on commence la salat. Takbir. D'accord? Car c'est la phrase la plus véridique qui soit, que Allah est plus grand que tout. Et Ashhadu an la ilaha illallah, قال أقر بقلب أقر بقلبي ناطقا بلساني. C'est-à-dire que j'admets de par mon cœur et je le prononce par ma langue qu'il n'y a nulle divinité ni d'être adoré en dehors d'Allah. Donc c'est-à-dire que l'akbar, l'azan, tu y déclares, proclames le tawhid, la shahada, le tawhid. Et on dit pareil, la ilaha illallah, la ma'boud bihaqin illallah, comme on vient de dire. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, j'atteste que Muhammad est le messager d'Allah. Et yuqiru bilisani wa ta'rif biqalbi anna Allah arsala 'abdahu Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam ila an-nas kaffa. Ça veut dire une fois de plus, dans mon cœur, je le reconnais et je l'admets par ma langue que Allah a envoyé son serviteur Muhammad pour tous les hommes. Donc tout ce que ça implique. Si Allah l'a envoyé pour tous les hommes, c'est que tu dois lui obéir, tu dois le suivre. Il n'est pas n'importe qui. Et que cet homme doit être aimé plus que quiconque sur cette terre. Puisque nos parents, puisque nos femmes, puisque nos enfants. Et quand tu aimes quelqu'un plus que tout, ça se voit. D'accord ? Quand tu as un niveau d'amour pour quelqu'un, ça se voit, ça va se voir. Tu vois, une personne que tu l'aimes, quand tu aimes quelqu'un, ça se voit. Une personne que tu, à qui tu te réfères, ça se voit. D'accord ? Ça se voit. C'est une chose qui n'est pas dure à prouver. Et Allah Azza wa Jal veut qu'on l'aime plus que tout. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la yuminu ahadukum hatta kuna habba ilayhi min walidihi wa waladihi wa nas ajma'in. Que aucun entre vous ne croira réellement tant que je ne serai pas plus aimé auprès de lui que son père, son fils ou que tous les gens réunis. Et là c'est un amour, on va dire une foi parfaite. La yuminu ahadukum, aucun d'entre vous ne croira parfaitement, véritablement. D'accord. C'est-à-dire là c'est la foi qui est parfait, c'est que tu aimes le Nabi sallallahu alayhi wa sallam plus que tout. قال حيا على الصلاة أي هلموا إلى الصلاة وقبلوا عليها. Donc ça veut dire en fait حيا, on le traduit en général comme accourir. C'est-à-dire tu vas faire une chose, tu avec engouement tu y vas. Tu vois. Donc ça veut dire allez vers la salat, allez-y pour l'accomplir. Pour l'accomplir. Et quand on dit Hayya al-Falah, Al-Fadh al-Matloub ou al-Najah min al-Marhoub, c'est accourir al-Falah, on va le traduire par, ils disent féliciter. Bon, je crois que c'est correct. C'est-à-dire que tu vas vers une chose qui t'apporte un bien et qui te, par laquelle tu fuis un mal. D'accord ? Al-Falah, c'est la réussite à la base. Comme a dit Ta'ala, quand aflaha al-mu'minun, allazina hum fi salatihim khashi'un. Certes, ont déjà réussi les croyants qui sont humbles dans leur salat. Aflaha. Et là, al-falah, c'est pris de al-hada, al-fir. C'est la même racine. Donc, c'est la réussite. Donc, accourir vers la salat, c'est la réussite. Et voilà le fait que cette adhan est d'une importance capitale en pays d'islam parce que c'est un rappel. C'est un zikr. En plus, la veine fait fuir les shayatines et attire les anges. D'ailleurs, justement, dans un hadith, c'est venu que Shaytan, lorsqu'il entend la veine, il s'en va en pétardant, c'est-à-dire il lâche des paix en partant pour pas entendre la veine, tellement ça lui fait du mal. Et quand la veine est finie, il revient. D'accord. Donc la veine, ça fait fuir les shayatines également. Et c'est un zikr. Et le azan comporte le tawhid, al-fadh al-tawhid. Voilà pourquoi ici il est interdit. Car l'azan en lui tout seul porte une cause de guider de beaucoup de gens. Rien que l'azan tout seul, hein, ce serait une cause pour que les gens, tous les jours, ils entendent ça 5 fois par jour, ça l'interpelle. Tu vois. Il entend ça, il entend Allahu Akbar, déjà il s'habitue à Allahu Akbar, c'est plus un truc de terroriste pour lui, c'est normal. Il entend Ashhadu an la ilaha illallah, il entend tout le temps, il s'y habitue. Donc ça l'interpelle. Jusqu'au jour où il va demander à un musulman, ça veut dire quoi? J'entends ça tous les jours, ça veut dire quoi? On lui explique. Tu vois. Ça va le faire réfléchir. On entend ça tous les jours, sur des années durant. Donc ça impacte sur lui. Regardez, nous, quand on était petit, des choses qu'on entendait, on ne faisait pas attention, mais ça impactait sur nous. Même si on n'aimait pas, on l'entendait tout le temps. C'est pour ça, par exemple, vous voyez, ça c'est une technique qu'ils ont dans les médias. On balance, même si tu ne crois pas tellement de le balance que ça finit par jouer sur toi. Tu vois. Tu sais que c'est pas vrai, mais tu l'entends une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Ça y est, c'est assimilé. Tu vois, ça veut dire, ils savent que bombarder l'être humain de choses... Même si au début il ne croit pas, à force de l'entendre, ça y est, il va le connaître par cœur et il va s'y habituer. Et bien cette azan, regardez bien, on le fait 5 fois par jour. On l'entend. Et vraiment, on l'entend d'une voix forte. Donc ça joue sur les cœurs. Donc voilà pourquoi ici, il te le coupe. Il dit, tu veux faire ton azan ? Dans le masjid, on ne va pas t'entendre. Ou dans les pays d'islam, malheureusement, où il se faut la faute de baisser le micro, même de le couper dans les lieux touristiques, pour ne pas déranger les touristes. Là, justement, c'est, les touristes, ils viennent, c'est l'heure, c'est la darwa pour eux, justement. Le touriste, c'est pas tes plages qu'il leur faut, c'est pas tes hôtels qu'il leur faut, c'est l'islam qu'il leur faut. Fais l'occasion, justement, amène les touristes et fais-leur la darwa. Dans l'avion, déjà, tu commences à parler de ça, des cartes, des kutoub, des pliants, tu vois. Et quand ils viennent, ils attendent la zen. Ça veut dire, ils attendent la zen. Et tu verras qu'au lieu de repartir avec des photos souvenirs, il va repartir peut-être avec l'islam. La réussite. Hayal al-Falah. Il va venir à la réussite. Là, c'est le rôle de nos gouverneurs à la base. Faire d'arabe autant que possible, de mettre les moyens pour que les gens qui viennent en pays d'islam, d'accord, ils soient interpellés par cette religion. Juste, ils viennent pas pour le couscous ou pour je ne sais quoi. Ils viennent, mais quand ils sont là, ils découvrent quelque chose de. Bah, et qu'ils découvrent ce qu'il y a de plus grand, le trésor de ce monde, c'est l'islam. Ils repartent avec. Voilà, Moustahan. Donc, ensuite, on dit, donc au moment où on dit Hayal al-Salah, Hayal al-Falah, nous on dit La hawla wa la quwwata illa billah. قال المعنى ليس لأحد حركة ولا تحول من حال إلى حال ولا قدرة على ذلك التحول إلا بالله. Ça veut dire que personne n'est en mesure de faire quoi que ce soit, de le changer sa situation d'un état à un autre, et tu n'as aucune capacité, aucun potentiel, si ce n'est par Allah Azza wa Jalla. C'est-à-dire tout ce que tu fais, tu n'as aucune fierté à l'avoir fait. C'est Allah qui t'a permis de le faire. S'il voulait, tu ne l'aurais pas fait. Et t'as qu'à le voir, t'as des choses que tu fais toi, que les gens n'arrivent pas à faire. Et des choses que toi, tu n'arrives pas à faire, que d'autres, ils font. Il n'y a pas longtemps, on m'avait envoyé une question comme ça, on m'a dit, c'est quoi le fait de dire, quelqu'un, il dit, j'ai confiance en moi, en tant qu'être humain. Je lui dis, cette phrase-là, en soi, en islam, elle n'a pas d'origine. Parce que l'être humain ne peut rien faire. Entre autres, la hawla wa la quwwata illa billah. Par contre, ce qui revient à l'être humain, c'est de faire les causes. Alors, demain, quelqu'un va faire quelque chose, il va dire, tu peux faire ça ? Ouais, moi j'en suis capable. Non. Non, si elle ne veut pas que tu le fasses, tu ne le feras pas. Dis pas j'en suis capable. Là, tu le vois capable. Si tu trouves le jour où tu vas le faire, là, il va te rendre à 10, tu ne pourras pas le faire. Il va t'arriver une chose, hein, que le matin, tu vas tomber malade. Ah, je pensais qu'il allait venir, je suis tombé malade. La mustahana, ouais. Tu vois ? C'est Allah qui va te permettre de le faire. Donc, la confiance que tu dois avoir, c'est en Allah. Que Allah te permette de le faire. Hada, trop plus tawakkul. D'accord ? Donc dis pas, moi j'ai la force, je peux. Tu ne sais pas. Et cette force que tu as, c'est Allah qui te l'a donnée. Et s'il veut, il te l'enlève. Ou même si tu ne l'enlèves pas, le jour où tu en auras besoin, tu ne pourras pas l'utiliser. Donc en réalité, l'être humain doit croire en Allah, faire confiance en Allah, Azawajal. Yatawakkal, comme a dit le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, qal, stan billah, wala tarjaz. Recherche de l'aide auprès d'Allah et ne baisse pas les bras. C'est-à-dire avance, agis, mais... Recherche de l'aide auprès d'Allah dans ce que tu vas entreprendre. Et si Allah il veut, il va te l'accorder. S'il ne veut pas, tu ne l'auras pas. Des fois, tu as des choses, tu le fais, tu fais, tu es prêt. Le jour où il faut que tu agisses, tu as raté. Tu vois. Et tu as des gens, ils n'ont rien demandé, ils ont fait des choses grandioses. Ils disent, je ne sais pas comment j'ai pu faire ça, moi. C'est Allah qui t'a permis de le faire. C'est pour ça que dans ce qu'on fait nous-mêmes en soi, on n'a pas à se vanter. Quand on comprend ce genre de choses, on ne peut pas être vantard, être hautain. Parce que tu sais ce que tu as fait, ça ne vient pas de toi à la base. Tu as des gens, ils se vantent de leur beauté. La beauté, c'est une chose qu'Allah te donne, tu ne peux pas la façonner. Tu pourras faire toutes les opérations que tu veux. Si t'es pas beau, t'es pas beau. D'accord ? Si t'es petit, t'es petit. Si t'es grand, t'es grand. Il y a des choses que tu peux arranger. Il y a des choses que tu peux rien faire. D'accord ? Même demain, quelqu'un dit, ouais, je vais faire du sport pour être bien, tu vas faire toutes tes du sport, mais le jour où tu vas arrêter le sport, ça va changer. Tu vois ? Et t'as des gens, ils sont comme ça, de nature. Donc, on va dire, pourquoi tu te vantes d'être beau ? Cette beauté-là, c'est même pas ta mère qui l'a donnée. C'est Allah qui t'a créé comme ça. Et t'as des gens, Allah les a créés de façon différente, d'une autre apparence. Donc t'as pas à te vanter. Et remercie Allah qui t'a donné cette qualité qui est à ton avantage. Sois humble, remercie Allah, mais tu dis, tu te prends pour je ne sais qui. Ou quelqu'un qui est fort physiquement. Il a une force physique impressionnante. Tu vois. Sans même aller faire du sport. Il est comme ça, depuis que je suis né, je suis une force de nature, comme il dit. Et il dit, cette force, comment tu l'as eue ? C'est Allah qui t'a donné. Tu vois. Donc ne sois pas fier de toi comme ça, de te croire je ne sais qui. C'est Allah qui te l'a donné. Et même demain, tu as un sportif, tu t'es entraîné, qui t'a donné la force d'aller t'entraîner, de te lever le matin, d'aller courir, d'aller soulever, d'aller... C'est qui t'a donné la force ? C'est Allah qui t'a donné. Demain, tu aurais pu aller courir, tu tombes, tu te blesses, allez, au lit, allongé. Ça sert à quoi ? Ça sert à rien. Donc, en fait, tout ça, ça nous apprend à être humble, à savoir c'est quoi notre place en ce moment. La hawla wa la quwwata illa billah. J'ai jamais oublié ça. Des fois, regardez les gens qui suivent les compétitions sportives. Regarde le sportif quand il fait un exploit. Regarde comment il réagit. On dit il a refait le monde. Alors, je suis trop fort. Tu vois. Quand il a fait un truc, tu le vois comment il est en extase, il a refait le monde. On dit t'as rien fait de base. Et ce que t'as fait, même si c'est halal ou haram, tu ne l'as pas fait, tu l'as fait parce que Allah t'a permis de le faire. Tu vois. Malgré tout. Yaqul. Et il y a peu d'exemples avec les sahabas qu'on cite souvent, qui faisaient des choses extraordinaires sans entraînement. T'as un exemple qu'on cite ? Safina, un sahabi s'appelle Safina. Safina, ça veut dire bateau en arabe. Il était avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et il commençait à prendre les charges des sahabas. Tu vois. Alors, ils étaient en voyage, ils prenaient leur bagage. Sur lui, un bagage, deux bagages, trois bagages. Il a dit, j'ai porté l'équivalent de 21 chameaux sur moi. Et je ne m'arrêtais pas. Et le Nabi Sallam a dit, Ihmel fainaka safina. Il a dit, porte, car tu es safina. Il a dit, je portais. Et c'est pas quelqu'un qui s'entraînait. Il y avait Salama ibn al-Aqwa, un sahabi qui courait plus vite qu'un cheval. C'est pas un mensonge. Tu vois, c'est quoi un cheval? Il courait plus vite qu'un cheval. Il s'entraînait pas. C'est Allah qui lui donnait cette vitesse de courir plus vite qu'un cheval. Vous voyez, il y a des choses comme ça qui est incroyable. Pour te dire que si Allah veut te donner, il va te donner. Et s'il veut te reprendre, il va te reprendre. Ainsi de suite. Donc ça nous apprend à rester à notre place. Même demain, tu fais des grandes choses, tu peux être content. Mais content de quoi ? Que Allah t'ait permis de faire cette chose-là. Donc tu es encore plus reconnaissant et encore plus adoré, en fait, en réalité. Tayyib, yakul min kalbihi, c'est-à-dire, il répète l'azan, à force de l'azan de son cœur. Il dit cela avec sincérité. Parce que des fois, c'est devenu un automatisme. On parle sans faire attention, malheureusement. Tellement on répète que voilà. Mais si on médite ce qu'on dit et que le cœur il est présent, eh ben c'est une cause pour rentrer au Jannah. Un acte aussi simple que celui-ci. Répéter ce que dit le Mu'azzin. Regardez de quoi on est privé ici. Parce qu'il n'y a pas l'azan dans les rues. Et tu seras rarement dans le masjid à l'heure de l'azan. Regardez quoi, on est privé. Alors, en pays d'islam, l'azan, tu l'entends tout le temps, tu le répètes. T'es au travail, t'es chez toi, t'entends l'azan, tu répètes. Une cause pour entrer au Jannah. Ici, voilà, comme disait l'audio, Mouakit. Malheureusement. Ou alors, tu viens tôt au masjid. À la base, c'est un fond de venir tôt au masjid. Hein. Attention. Mais l'azan, à la base, il doit être pour tout le monde. Tout le monde doit pouvoir l'entendre. يقول الشرح الإجمالي بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ألفاظ الأذان الذي ينادي بها لإعلام ينادى بها لإعلام الناس بدخول وقت فعل الصلاة. Donc il a dit que le Nabi صلى الله عليه وسلم ici a informé des termes de l'Azan, celui par lequel on informe aux gens de l'entrée de la salat, le temps de la salat. وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من كل نوع شطره Irtisaran, et que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit ici n'a cité que chaque formule sans montrer la répétition. D'accord ? Pour résumer. وتنبيهها على باقيه وحث على متابعة المؤذن بعد كل كلمة يقولها. Et il a incité à suivre ce que dit le muazzin dans chaque parole qu'il prononce. فيقول من سمعه مثله que celui qui l'entend doit prononcer comme lui إلا في حيعتين le fait de dire حيا على الصلاة حيا على الفلاح. À ces moments-là, on ne répète pas comme dit le muezzin, mais on dit quoi? أحسنت. Après j'ai une autre question qui va venir. يتبرأ من حوله وقوته إلى حول الله وقوته. C'est-à-dire que la personne là, c'est là qu'on voulait en venir. La personne en fait ne se reconnaît à elle-même aucune force. Elle ne reconnaît que la force d'Allah que Allah lui a accordée. D'accord. Elle ne se reconnaît aucun potentiel si ce n'est celui que Allah Azzawajal lui a accordé. Il ne veut pas dire c'est moi. D'accord. Je suis. Je. Ce jeu il est dangereux. Hein. Je. Il est dangereux. ومن قال ذلك كله مخلصا من قلبه معتقدا ما دل عليه فجزاؤه الجنة. Et celui qui dit tout cela avec sincérité, avec un cœur présent, en croyant ce qu'il dit, la conviction de ce qu'il dit, alors sa rétribution sera le Jannah. Souhel, parenthèse à mon j'oublie. On répète tout ce que dit le Mouazzin. Taïb. Dans les pays d'Islam, au Fajr, on avait expliqué qu'il y a deux Fajr. Al-Kazib, le Fajr mensonger, dont le signe dans le ciel, c'est quoi? Comment on reconnaît le Fajr al-Kazib? Comment, c'est quoi le signe pour dire que le Fajr, c'est-à-dire ça, c'est avant l'entrée du temps. Les prémices de l'entrée du temps du Fajr. Comment on le reconnaît? Dans un pays où c'est dégagé, bien sûr. C'est quoi son signe? Je sais pas comment tu es marque blanche. Oui, mais comment elle est? Horizontale. T'es sûr? Ouais, ouais. Toi, tu dis quoi? T'es d'accord avec lui? Je sais pas si c'est l'inverse. Blanc. Oui, mais comment il est? T'es d'accord avec lui? C'est quoi que tu dis, toi? Fajr al-Kazib, il est vertical. C'est le Sadiq qui est horizontal. Donc dans l'Azan, ou le Fajr al-Kazib, qui est le premier Fajr, qui n'est pas l'entrée du temps. C'est un prémisse. C'est le temps pour le Sahur. D'accord? Là, il y a un Azan qui se fait. On appelle ça l'Azan al-Awwal. Premier Azan. Au Fajr. Et ensuite, quand le toit rentre, qu'on voit la ligne verticale, horizontale à Fouane, là c'est Fajr Sadiq, c'est le vrai Fajr, l'heure de la Salat. Et là il y a notre Azan, c'est le vrai celui-ci. D'ailleurs il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Innama bilal yu'azin billayl, fa kulu wa shrabu hatta yu'azin ibn Maktoum. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam pendant Ramadan, que bilal, quand tu fais l'Azan, c'est encore la nuit. C'est-à-dire ça c'est l'Azan mensonger, c'est pas le vrai, le Fajr mensonger, c'est-à-dire continuer à manger et à boire. D'accord? Juste ce que vous entendiez l'Azan de Ibn Maktoum, l'aveugle. Lui, quand il fait l'Azan, c'est que c'est l'heure du. C'est fini, mangez plus, buvez plus. Là, c'est l'heure du siyam. D'accord? Et il y a un khilaf, parce que dans le Azan du matin, on dit As-salah khayrun min al-naum. Là, c'est un truc qu'on rajoute, là, c'est propre au Azan du Fajr. As-salah khayrun min al-naum. La salat est meilleure que le sommeil. Et le ulama, il diverge. Est-ce que ça se dit dans le premier Azan ou dans le deuxième? Du Fajr. D'accord? Il y en a, ils disent, c'est dans le premier Azan. Ils disent, non, c'est dans le deuxième. Il n'y a rien vraiment qui le définit. C'est des déductions. La question, je voulais en revenir. Quand le Mouazin lui dit As-salah khayrun min al-naum, on dit quoi, nous? Qu'est-ce qu'on doit dire? Qu'est-ce qu'on doit dire? Qu'est-ce qu'on doit dire? Tu dis on répète? Qui est d'accord avec lui? Hein? Toi aussi? T'as un avis? Tu sais pas? C'est quoi? Pourquoi on dirait ça? Là, t'as pas compris la question. Au moment où t'entends la veine du Fajr, d'accord? Et t'entends le muezzin qui dit As-salah khayrun min al-naum. Il le dit deux fois. As-salah khayrun min al-naum, as-salah khayrun min al-naum. Toi, on doit dire ce que dit le muezzin, il a dit le Nabi sallam. On dit quoi à ce moment-là? On dit rien. On a un ordre dans l'autre hadith que j'ai dit au début. Il dit ça mettum al muezzin fa qulu bismakul al muezzin. Si on vous entend le muezzin, dites comme il dit. C'est un ordre. Bon, c'est pas un ordre d'obligation, mais c'est une recommandation. Il a dit qulu ma yaqul, c'est-à-dire dites ce que dit le muezzin. Donc c'est un terme général. Il n'y a pas de illa kaza kaza kaza. Là dans ce hadith-là, on a quoi? Juste le hayya al-salah hayya al-falah. En dehors de ça, est-ce qu'on a une exception? Est-ce qu'on a une exception en dehors de ce moment-là? Non, donc on reste sur la base. On dit ce que dit le muazzin, donc on dit as-salah khayrun min al-naum. On n'a rien qui prouve qu'on doit dire autre chose à ce moment-là. Cheikh Othaymine, il a un avis différent. D'accord? Mais avec le grand respect qu'on a pour lui au cours, on dit cheikh, il n'y a pas de dalil. Donc on reste sur la part du hadith que le Nabi Sallam l'a dit, on dit ce que dit le muazzin. Le seul moment où il a dit on dit autre chose, c'est quand il dit hayya al-salah hayya al-falah. Il n'y a que là. Le reste, on dit comme lui. Pareil quand le muazzin il fait l'azan quand il pleut. Il dit sallu fi rihalikum ou sallu fi buyutikum. Faites la salat dans vos maisons. quand il pleut, là où il y a un azan, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on dit? On va dire comme lui, en se basant sur le hadith. On dit ce que dit Mouazi. C'est tout. Si quelqu'un a autre chose à exposer, il a oublié d'apporter un dalil. Il ne faut pas qu'ils disent, ouais, mais ce terme-là, il dit non. Il a dit, on dit ce que dit Mouazi, on doit dire comme lui. Sauf, hayal salah, hayal falah. Le reste, on dit comme lui. Donc, si on doit dire autre chose, il faut que quelqu'un apporte une preuve. Un hadith ou quelque chose. Jusqu'à présent, moi, je n'ai rien vu qui t'a apporté, qui sorte, qui nous fasse sortir de l'apparent du hadith. Non. Mais il y a des ulama, ils disent, tu dis autre chose. Et certains disent, tu dis rien. طيب فوائد الحديث استحباب قول سامع المؤذن مثل ما يقول إلا في حي على الصلاة حي على الفلاح فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. Donc là on voit qu'il est recommandé que celui qui entend l'azan de dire ce que dit le mouazzin, sauf lorsqu'il dit حي على الصلاة حي على الفلاح. À ce moment-là on dit لا حول ولا قوة إلا بالله. ثانيا استحباب المتابعة كلمتان كلمتان فيقول المجيب الجملة بعد المؤذن لا معه. C'est-à-dire qu'il est recommandé de répéter derrière le muazzin et pas en même temps que lui. Quand le muazzin fait l'azan, on attend qu'il finisse sa phrase et là on commence la nôtre. Même s'il commence cette daqia après. Si tu ne laisses pas le temps de répéter, tu répètes quand même. D'accord ? Tu répètes quand même. ثالثا أن إجابة المؤذن بالمثل من أسباب دخول الجنة. Que le fait de répondre et de répéter ce que dit le muazzin, comme il le dit, est une cause pour rentrer au Jannah, au paradis. Rabi'an, anna hadhi al-fadila yanaluha man qala dhalika bi lisanihi ma'a i'tiqadihi bi qalbihi. Haqiqat ma dalla alayhi wa ikhlasihi fihi. Et que ce mérite dans l'azan ne l'obtient que celui qui le fait avec sincérité. C'est juste pas juste la langue elle bouge, c'est le cœur, il est présent également. Et qu'il a, dans ce qu'il dit, il a croyance de ce qu'il entend, de ce qu'il dit. Khamisan, al-iqtisar ala al-alfaz al-azan al-thabita an al-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa ma zada alayhi fa huwa bid'a. Et qu'il faut se contenter des termes cités par le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, rien de plus. Par exemple, les chiites disent « Haya ala khayl al-amal »« Venez à la meilleure des œuvres. » Les chiites disent ça. Sans dans l'azan, t'as un chiite qui fait l'azan. On va dire le terme, il est vrai, mais dans l'azan, ça n'a pas été révélé. Donc on n'a pas à le dire. Tu n'as pas le droit de rajouter quelque chose à ta tête. Même si ce que tu dis de base est vrai, d'accord, tu n'as pas à le rajouter. L'azan, il est comme il est. D'accord. Car c'est tawqifi. C'est basé sur une révélation, un décret divin. Et tu n'as rien à rajouter, sans quoi tu tombes dans la bid'a. Alors, et les seuls termes à rajouter, c'est lorsqu'il pleut, ou lors de l'azan, première azan. As-salah khayrun min an-nawm, l'azan du fajr. Est-ce que c'est le premier, est-ce que c'est le deuxième? Ça, c'est une autre question plus longue, qui n'est pas là le sujet du dars. Ma foi, ma'ala. T'as compris? T'as bien compris? Bon, pour faire simple. Quand tu vas à la mosquée, que tu entends le muazzin, c'est qui le muazzin? Celui qui fait l'azan. Oui. Tu répètes ce qu'il répète, ce qu'il dit à fois. Tout ce qu'il dit le muazzin, tu dis comme lui derrière lui. Sauf à deux moments. Quand il dit Hayal al-Falah, Hayal al-Salah, il le dit deux fois, toi tu dis quoi à ce moment-là? Oui. Ah si! Ah si! Je répète. Tu dis La hawla wa la quwwata illa billah. Et quand tu dis hayal al-falah, tu dis toi aussi la hawla wa la quwwata illa billah. Et tout le reste tu dis comme lui, à part à ce moment-là. C'est tout. Mais quand tu le dis, il faut que tu saches que tu dis et que tu y crois et que tu sais qu'Allah t'entend. Et si tu fais ça, t'as une cause pour entrer au paradis. Et si jamais t'as oublié, il va te le rappeler, Inch'Allah. Quand tu vas avec lui à la mosquée, tu lui dis, hey, c'est quoi déjà dans la zone? Qu'est-ce qu'il faut dire? J'ai oublié, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu le rappelles, Inch'Allah. Là, t'as compris là? C'est facile? Tayyib, barakallahu fik. Tayyib, maintenant on prend le 32e hadith, qui est le 12e du chapitre. Non, ah, enfin, j'ai sauté un. 31e hadith, enfin, qui est le 11e du chapitre, qui est en relation avec le hadith qu'on vient de prendre. C'est un complément pour rendre la récompense encore plus méritante. Yaqul an Jabir radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qal man qala hina yasma'u al-nida Allahumma rabba hadhihi ad-da'wa at-tamma wa as-salah al-qa'ima ati Muhammadan al-wasila wal-fadila وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته هلت له شفاعتي يوم القيامه رواه البخاري. Donc là maintenant on va apprendre quoi, le doua à faire complémentaire après l'azan, d'accord, c'est à dire là on a répété ce que le muazzini l'a dit, on dit comme lui, et en plus on a un autre doua à faire derrière qui est recommandé bien sûr. Donc selon Jabir, il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui qui, après avoir entendu l'appel à la salat, il dit Allahumma. Allahumma, ça veut dire ô oh Allah. Rabbah di da'wa et tam. Seigneur de cet appel complet. C'est quoi cet appel? C'est l'azan. C'est une da'wa. Et une da'wa, ça veut dire un appel. Donc tu es le seigneur de cet appel. Wa salat al-qa'ima, de cette salat qui va s'établir. Ati Muhammadan al-Wasila. Donne à Muhammad. Al-Wasila, c'est, il dit l'auteur, c'est A'la Daraja fil Jannah. C'est le niveau le plus haut dans le Jannah. À la base, Wasila, une Wasila, c'est un moyen. Une chose qui te fait parvenir à une autre. Et là, dans ce dua-là, ça a le sens du niveau le plus haut au Jannah. Donc là, on fait un dua pour le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit Ati Muhammadan al-Wasila, donc accorde à Muhammad le plus haut degré du Jannah, wal-Fadila. Al-Fadila, c'est un niveau encore plus haut au-dessus de toute la création. C'est-à-dire de l'élever encore plus haut en degré. C'est-à-dire Muhammad, tu lui donnes le niveau le plus haut en Jannah et mets-le un rang encore plus haut au-dessus des autres créatures. Et on dit également وَبْحَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ et récite-le مَقَامًا مَحْمُودًا مَقَامًا مَحْمُودًا, c'est l'intercession majeure qui a été accordée au Nabi sallallahu alayhi wa sallam. D'accord ? C'est ça le مَقَامًا مَحْمُودًا. C'est l'intercession majeure qui a été accordée au Nabi sallallahu alayhi wa sallam et qui est cette invocation. Il a dit, on a vu au début du livre qu'il a dit Nabi sallam li kulli nabi da'wa yustajab la fa ana akhbatu da'wati li yawm al-qiyamati li ummati. Il a dit chaque prophète a eu droit à un dua propre à sa communauté qui lui exaucé. Et les prophètes sont tous utilisés, soit contre, soit pour. Par exemple Nour, il a invoqué contre sa communauté, ils ont tous été détruits. Ibrahim, il a fait, lui, pour. Et d'autres prophètes, on ne sait pas. D'accord ? Ça peut être cité dans les textes. Mais, d'après le hadith du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, chacun, ils ont eu, donc on y croit de façon générale. Lui, il a dit, moi, mon invocation, je l'ai gardée, yawm al-qiyamah, pour les gens de ma communauté, parmi ceux qui ont fait des grands péchés. D'accord ? Pour qu'ils soient, pour intercéder en leur faveur. C'est son invocation, il l'a gardée pour ce moment-là. Et c'est ça le maqam al-mahmoud. Ça, c'est une chose qui est propre au Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et également, c'est pour permettre aux gens de sa communauté d'aller plus vite, d'être soulagés des affres du jour du rassemblement, sous le soleil, dans une foule incroyable, avec la peur dans les cœurs, la frayeur de ce qui attend les gens. Les gens seront désespérés. Ils iront voir chaque prophète pour leur dire, dans le sens, regarde dans quelle situation on est. Vous voyez, c'est-à-dire, on te demande d'intercéder auprès d'Allah Azzawajal pour nous, pour que ça aille plus vite, dans le sens. Ils vont aller voir Adam. Adam va dire, moi, j'ai désobéi à mon Seigneur. J'ai approché l'arbre. Aujourd'hui, mon Seigneur, il est en colère d'une colère sans précédent. Donc il dit, je pense à moi en premier. Nefsi, nefsi, nefsi. Allez voir Noé. je ne peux pas faire ça pour vous. Les gens vont aller voir Nour. Et Nour, il va dire, moi j'ai invoqué contre ma communauté. Aujourd'hui, j'ai peur d'Allah Azzawajal, qui est d'une colère sans précédent, et qu'il n'y en aura plus d'autres par la suite. Je pense à moi, Nefsi Nefsi. Allez voir Moussa. Ils vont aller voir Moussa. Moussa, il va dire, moi, j'ai tué un homme sans que cela ne m'ait été ordonné. Aujourd'hui, mon Seigneur, il a été pris d'une colère sans précédent. Il n'y aura jamais une similaire par la suite. Nafsi, nafsi, nafsi. J'ai peur pour moi. Allez voir Ibrahim. Ils vont aller voir Ibrahim. Ibrahim va dire Kazabtu Salaf Kaziba. J'ai menti trois fois. En vrai, ce n'est pas un mensonge ce qu'il a fait. C'était une Tawriya. Tawriya, c'est une sous-vérité. D'accord ? C'est dire une chose qui laisse à quelqu'un une chose et toi, tu vises autre chose par en dessous. D'accord ? Par exemple, moi, je te dis un exemple. Tu me dis Khalil, est-ce que t'es là? D'accord? T'es derrière la porte, tu toques, tu dis Khalil, est-ce que t'es là? Et moi, je suis dans un coin, je dis à mon fils, tu dis que je suis pas là, là. Et mon fils, il dit non, il est pas là. Il veut dire là, maintenant ici, là. Alors que moi, je suis derrière. Donc, qu'est-ce qu'il va croire, celui qui écoute? Que je suis pas présent dans la maison. Alors que je suis là. Moi, j'ai pas menti. Et moi, j'ai dit non, je suis pas là devant la porte. Ça, c'est une théorie. Bon, attention les frères, ça, on s'en sert quand il y a un besoin. Ça m'amuse pas avec. Sinon, tu passes pour un menteur pour les gens. C'est vraiment quand tu as une situation, tu peux pas affronter, il y a un danger, il y a quelque chose. Parce qu'à la base, mentir en islam, c'est muharram dans l'absolu. Tu ne mens pas. Donc, quand tu es dans une situation comme ça de contrainte, tu fais une théorie. Et c'est ce qu'il a fait Ibrahim, trois fois. Et donc, il a peur. Il dit nefsi, nefsi, nefsi. Je pense à moi. Il a dit allez voir Issa. Les gens vont aller voir Issa. Issa va citer aucun péché. Aucun péché qu'il a fait. Il a dit cependant, cette intercession, elle n'est pas pour moi. Il dit comme les autres, j'ai peur pour moi aujourd'hui. Allez voir Mohammed. Et là, ils vont aller voir Mohammed. Et le Nabi Sallam va dire Hazi Ali, celle-là, elle est pour moi. Et là, il va aller voir. Près du trône dans la Zawajel, il va tomber Sajidan. Il va faire des do'as, et faire des afkar, et faire des mahamid que Allah lui a appris, qu'il ne connaissait même pas en ce bas monde. Après, il sera dit, il y a Mohammed, il a fait un ra'sak, kul tusma, shfar tu shafa. Il lui sera dit, ah Mohammed, lève ta tête, parle, tu seras entendu, intercède, tu seras écouté. Et là, il va dire, ummati, ummati. Il va intercéder pour sa communauté. Tayyib, hada wal maqam al mahmoud. Et donc, dans ce do'a qu'on fait après l'adhan, d'accord, on cite que on demande à Allah Azzawajal d'accorder au Nabi sallallahu alayhi wa sallam le plus haut degré au Jannah, le plus haut degré au-dessus de la créature, et de le ressusciter en lui accordant cela. D'accord ? Et le dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam, celui qui fait ce do'a-là, après la salat, il aura droit à mon intercession. Quand même, celui qui fait ce do'a-là aura droit à mon intercession. Mais, est-ce que c'est dans l'absolu ? Que quiconque, après l'adhan, fait ce do'a-là, il aura droit à la shafa'a du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Il faut qu'il rentre dans les shurut de shafa'a. La shafa'a, on l'a dit, l'intercession, elle a trois conditions. Qui s'en rappelle? Toi, non. Qui s'en rappelle? Shurut de shafa'a. On les a cités au début du kitab. On a pris le Babi Shafara. Avant cela. Première condition. Ultime condition. Non, c'est pas ça la condition. Cette Shafara là, comment elle a lieu en premier lieu? Non, c'est pas ça là. Tu parles ici ou... Dans de là. Man zal yashfa indahu illa surat ayat al-kursi man zal yashfa indahu illa bi'izni. Qui pourra intercéder auprès de lui sans sa permission? Donc première chose, que Allah le permette. Cette shafa'a, c'est Allah qui la permet, hein? Voilà. Maintenant, cette izn est valable dans les deux autres conditions. Quelles sont-elles? Sur le shafir et le mashfour là. L'intercesseur et l'intercédé, c'est quoi la condition? À tous les deux. Muslim. Ce soit une personne que Allah Azzawajal il agrée. Donc de soi, c'est un musulman. Mais un musulman, c'est un terme qui est trop large. On va dire c'est un croyant. Parce que le munafiq est nommé musulman. Parce que physiquement, il sait. En apparence, il s'est soumis à Allah Azzawajal. Mais intérieurement, il ne croit pas. Donc ce n'est valable que pour les croyants. Donc demain, par exemple, tu as un qui se dit musulman, qui fait salat et tout, et c'est un mouchrik. C'est un soufi qui adore les tombes, qui invoque les morts, tout ça. C'est mort pour lui. Tu vas dire, attends, moi je dis la ilallah, je fais salat avec vous, je fais le hajj, je fais le ramadan. Oui, mais tu fais du shirk akbar. Donc, ça c'est pour le muwahid. Celui qui ne fait pas de shirk. Et taman, évidemment, c'est un croyant. Donc, tu as déjà voulu dire ce doa là, peut-être plus que toi. Mais ils font du shirk à côté. Donc, ça ne servira à rien. Ils vont dire la ilallah avec la langue. Mais que leurs actes, dans leur cœur, ils vont transgresser ce la ilallah par des actes abominables. Donc, c'est pour le muwahid, celui qui a unifié Allah Azzawajal dans l'adoration, dans sa seigneurie, dans ses noms attributs. Et bien sûr, avant cela, on fait quoi? On fait la salat ibrahimiyya. La même qu'on fait dans le tashahoud al-akhir. Parmi les doigts à faire après l'adhan, t'ayyib, salat ibrahimiyya. Allahumma salli ala Ibrahim wa ala Ibrahim. T'ayyib, kama salita ala Muhammad wa ala Muhammad ila akhirihi. Tu fais ça, et après tu fais ce dua là. Tamam? Et huna, takun, quand kumta bil asbab, hatta yashfa alaka nabi sallallahu alayhi wa sallam. Tu auras fait les causes pour que le nabi sallallahu alayhi wa sallam intercède pour toi. Et avant cela, tu auras répété ce qu'a dit le muazzin, donc tu auras fait les causes pour entrer au Jannah. Yushufu, juste avec l'azan. Niamat al-azan, fakat. Dites-vous le nombre de bienfaits qu'Allah nous a donné, le nombre de causes pour entrer au Jannah. Rien que celle-ci, regardez ce qu'on a. Mais ça demande quoi? D'apprendre, de comprendre, d'appliquer. Tout simplement. Allez, bon, on prend directement Fawaid parce que là, on a déjà expliqué, on a fait l'explication. Fawaid al-Hadith. Istirbab hada du'a ragb al-azan. Donc, il est recommandé de faire cette du'a après l'azan. Thaniyan anna man da'a bi hada du'a عقب الأذان استحق شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. Que celui qui aura invoqué de cette invocation après l'Adhan mérite l'intercession du Nabi صلى الله عليه وسلم. Bien sûr, il faut que ce soit موحد. طمان. ثالثا أن الوسيلة أعلى منزلة في الجنة ينالها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Et que الوسيلة c'est le niveau le plus haut du جنة. Et que celle-ci c'est le Nabi qui va l'atteindre, qui va l'avoir. رابعا إثبات الشفاعة العظمى وهي المقام المحمود. Et là, ça affirme la shafa'a, l'intercession majeure, qui est ce qu'on appelle le maqam al-mahmoud en arabe. C'est ça, c'est l'intercession majeure, qui est parmi les spécificités du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a que lui qui a ce rang. خامسا المراد بالشفاعة المعهود بها من قال هذا الذكر شفاعة خاصة كل بحسب حاله. Et que, comme on l'expliquait, que cette intercession n'est promise que pour chaque personne en fonction de sa situation. D'accord? Donc c'est pour le muwahid, celui qui adore Allah seul, sans rien lui associer. Non. Taï. Là, tu as compris celui-ci? Non. Bon. On va te faire simple. Tout à l'heure, on expliquait dans le premier hadith qu'il faut répéter comme dit le muazzin. D'accord? Ça, t'as compris? Oui. Une fois que tu as fini de répéter ce qu'il a dit le muazzin et qu'il a fini l'azan, le muazzin, tu fais ce doha-là, en plus. D'accord? Inch'Allah, il va te l'apprendre petit à petit. Et après chaque azan, tu prononces ce doha-là. D'accord? Et en faisant cela, tu seras parmi les gens qui méritent que le prophète intercède pour eux yom al-qiyama lorsqu'ils seront dans la terreur, dans la frayeur, pour que leur sort soit amélioré, pour entrer au paradis. C'est une cause, mais à une condition, que tu sois un croyant. C'est-à-dire tu adores Allah seul pas de shirk. Car le shirk, c'est le pire des péchés. Pire que tuer, pire que violer, pire que braquer, pire que se droguer, pire que vendre de la drogue, pire que tout, c'est le shirk. Dans le Coran, elle a dit « Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru man zalaka liman yasha » que Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit, mais pardonne en dehors de cela à qui il veut. C'est-à-dire qu'Allah peut pardonner les autres péchés. On ne dit pas c'est bien, c'est pas bien. Mais le péché, c'est pire que tout. C'est pire que tout. Donc retiens bien cela. Le shirk, c'est la chose vraiment à ne pas faire. Et si jamais tu ne fais pas de shirk, même tu as fait d'autres péchés, elle va te pardonner, tu vas rentrer au paradis. Mais malgré tout, les autres péchés, il ne faut pas les faire non plus. Parce qu'ils peuvent te valoir un passage au feu pour expier des fautes. Et le châtiment d'Allah, il est très dur. Très, très, très, très dur. Sallallahu alayhi wa sallam wa iyyak min hadal azab. Là, t'as compris, là, ce qu'il fallait faire. C'est juste un dehors, il faut que tu l'apprennes, tu comprends le sens, et après l'azan, tu le cites. Dès que tu peux, t'entends l'azan, t'as fini de dire ce qu'il a dit le muazzin, et tu dis dehors, là. C'est tout. D'accord ? Oui. Taï. Khlas, naktafi biya d'alqad, dit yekhwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.